Chapitre 27e. Dirigé par son parrain et par son institutrice, Denise fit de rapides progrès en équitation. Bientôt, elle put entreprendre de longues promenades dans le parc, puis bientôt, de plus longues encore dans la forêt. Quelle joie de courir dans des chemins connus où la voiture n'avait pas pu passer. On partait en sortant de déjeuner, et après une promenade d'une heure ou deux, on rentrait pour se remettre au travail. On revenait, le visage rougi par le grand air, le sang rafraîchi, l'esprit dispos. Avec soi, l'on rapportait les parfums des fleurs printanières, et longtemps après qu'on était descendu de cheval, on entendait encore le mugissement du vent à travers les ramures dénudées des grands arbres de la forêt. Quand le marquis sortait autrefois après son déjeuner, M. de Carquebus ne l'accompagnait presque jamais, attendu que ça ne l'amusait pas de galoper à côté d'un particulier qui restait des heures entières sans desserrer les dents. Maintenant, au contraire, il s'arrangeait pour être de toutes les promenades, et il y avait des femmes. Il est vrai que, sous le rapport de la conversation, il n'avait guère plus d'agrément que s'il l'avait chevauché avec le marquis seul. Celui-ci, en effet, se tenait toujours à la droite de Denise, tandis que Clémence s'occupait à la gauche. De cette façon, il arrivait nécessairement que dans les chemins trop étroits pour galoper quatre de front, ce qui était le cas le plus fréquent, le cousin Artem était obligé de rester seul derrière. Mais cette position ne lui déplaisait point, car il pouvait ainsi regarder tout à son aise sa petite déesse galoper devant lui, et puis, quand le chemin n'était plus assez large pour trois personnes, elle restait en arrière, et alors, tandis qu'il courait côte à côte, il pouvait lui dire combien il la trouvait jolie. « Et souple ?» interrompait-elle en riant. « Ah, démon !» Elle le regardait d'une certaine façon en relevant la tête et en abaissant les yeux, alors, se reprenant, « Cet ange que je veux dire !» Sans l'écouter davantage, elle donnait un coup de cravache à son cheval et reprenait sa place auprès de Denise. Un jour qu'on avait projeté une longue promenade dans une partie de la forêt que Denise ne connaissait pas encore, celle-ci descendit au déjeuner, les yeux et les paupières rouges, éternuant à chaque instant, criant le rhume de toutes les manières, excepté en paroles. « Vous avez le rhume, mon enfant, dit le marquis. Il ne serait pas prudent de sortir aujourd'hui. Vous garderez la chambre. Nous ferons notre promenade un autre jour. » Voilà pourquoi je ne voulais pas parler de ce vilain rhume, s'écria-t-elle. Je vous en prie, mon parrain, ne renoncez pas à votre promenade pour moi et n'en privez pas Madame Clémence, qui hier s'en faisait une fête. Madame Clémence déclara formellement qu'elle resterait près de son élève souffrante. Et pendant tout le déjeuner, il ne fut plus question de cette promenade. Mais lorsqu'on se leva de table, Denise prit le bras de son parrain et tâcha de le convaincre qu'elle n'était pas enrhumée, que cette course lui ferait du bien, que le temps était beau et chaud. Là-dessus, Madame Méraud intervint. « Il me semble qu'il y a moyen de tout concilier, dit-elle. Que Denise sorte par cette température de printemps à la fois chaude et glaciale, ce serait assurément une imprudence. Mais alors, si elle insiste si vivement pour sortir, continua Madame Méraud, ce n'est pas par caprice enfantin, mais uniquement par générosité. Elle voudrait que Madame Clémence ne fût pas privée de cette promenade. Voici donc ce que je propose. Je garde Denise avec moi et je lui fais passer le temps le plus agréablement possible. Vous sortez. » On discuta un moment cette combinaison. Clémence se défendit, mais enfin le marquis trancha la question en donnant l'ordre de seller les chevaux. On alla se préparer. Alors M. de Carquebus, resté seul avec sa sœur, s'approcha d'elle et à demi-voix, d'un ton mécontent. « Tu ne feras jamais que des sottises, » dit-il. « Monsieur mon frère, j'avais besoin de retenir cette petite voleuse. Elle aurait gagné une bonne fluxion de poitrine et nous en aurions été débarrassés. Mais tu ne veux pas en être débarrassé, tu aimes mieux la garder pour ton fils. Mon frère, taisez-vous, s'écria Madame Méraud, et ne me forcez pas à croire que vous parlez sérieusement, car alors je vous jure que j'avertirai votre cousin. Tu n'oserais pas. » L'entrée du marquis mit fin à cette discussion. On monta à cheval, et cette fois Clémence se trouva entre le marquis et M. de Carquebus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jamais elle n'avait eu autant d'aisance. Ce n'était plus une institutrice qui accompagne son élève, c'était une jeune femme du monde qui part en promenade entre deux cavaliers et ses amis. Elle se mit en selle avec une légèreté moelleuse et prit son assiette d'une façon charmante. Les rênes dans la main, elle fit exécuter quelques courbettes à son cheval, qui lui obéit si promptement qu'on aurait pu croire qu'il devançait le désir de celle qui le montait, quand au contraire il lui obéissait docilement. « Bonne promenade !» dit Denise du haut du perron. Les chevaux partirent et le voile de Clémence s'envola au vent. Le marquis, qui pendant la matinée avait été de belle humeur, affable et courtois comme à son ordinaire, paraissait mécontent et grognon. Lui, qui saluait toujours poliment tout le monde, passa auprès de deux ouvriers sans répondre à leur bonjour. La tête baissée sur le cou de son cheval, il ne disait pas un mot. De temps en temps seulement, il se retournait du côté de M. de Carquebus et lui lançait un regard qui n'avait rien d'aimable. Pour celui-ci, il bavardait à tort et à travers, racontant des histoires de chasse dans lesquelles il trouvait toujours moyen de placer un air de trompe. Clément souriait en se moquant de lui, mais ce sourire et ses moqueries semblaient agacer M. de Rudemont. Les chevaux détalaient en train dans une longue allée droite dont on ne voyait pas le bout et qui tout au loin se perdait sous bois. Sur le gazon qui recouvrait la terre humide, leurs sabots ne faisaient pas de bruit. Quand M. de Carquebus voulait bien ne pas parler, on entendait de chaque côté, sous le taillis, des chants d'oiseaux, des merles et des fauvettes qui sifflaient, et sur les branches des arbres de haute futaie, le roucoulement des pigeons ramiers. De temps en temps, une pie ou un geai s'envolait en jetant leurs cris répétés. On était au commencement de mars, et comme l'hiver n'avait pas été rude, les plantes entraient déjà en végétation. Le long des talus, de chaque côté, au milieu des lierres et des scolopendres au feuillage d'un vert sombre et luisant, on voyait des fleurs jaunes de primaire qui s'épanouissaient aux premiers rayons du soleil. Ça et là, des ajoncs éclataient en gerbes d'or. Ils coururent ainsi pendant plus d'un quart d'heure. Puis, abandonnant cette longue allée droite, ils prirent un chemin plus étroit qui, pendant l'hiver, ayant servi au charriage des bois, était coupé par des ornières assez profondes. Il fallait conduire les chevaux avec plus de précaution et parfois, pour éviter une fondrière, se serrer les uns contre les autres. Alors le marquis frôlait de son genou la jambe de Clémence. Le chemin se rétrécit encore et ne livra plus passage qu'à deux chevaux de front. Bon gré mal gré, M. de Carquebus dut rester en arrière. Alors le marquis, se penchant vers Clémence, « Voulez-vous que nous prenions un temps de galop » dit-il. « Il n'y a plus d'ornière. » « Le bavardage de mon cousin m'agace, je suis nerveux. » Sans répondre, elle donna un coup de cravache à son cheval qui prit un bon galop de chasse, le marquis courait près d'elle. Tout à coup, elle mit la main au-dessus de ses yeux en abat-jour pour regarder au loin. « Est-ce qu'il n'y a pas une clôture là-bas au bout » dit-elle. « Oui, une barrière et une palissade qui enclosent une partie réservée. La barrière n'est pas haute. La sauteriez-vous bien ? Si vous n'avez pas peur, je suis sûr de votre cheval. »« Je n'ai peur de rien. » répondit-elle. « Avec vous, j'irai où vous voudrez tant que vous voudrez. » »« Alors, en avant. Vous rassemblerez bien votre cheval et vous frapperez l'épaule de la cravache. En avant, hop !» Il claqua de la langue. Les deux chevaux, nez à nez, se mirent à galoper dans une allure régulière et cadencée. Derrière eux, M. de Carquebus poussait des appels désespérés. Mais ils ne s'arrêtèrent point. Ils approchaient de la barrière. Le marquis regarda Clémence. Elle était calme, souriante, le visage animé. « Hop, hop !» cria le marquis. La barrière fut franchie. Alors tous deux modérèrent leur allure. « C'est fou ce que je vous ai fait faire là, » dit le marquis. « Mais je ne sais pourquoi mon cousin m'exaspérait. Nous voilà maintenant tranquilles. Ni lui ni son cheval n'auront envie de nous suivre. » En effet, le cheval s'était arrêté le nez contre la barrière, et debout sur ses étriers, M. de Carquebus regardait devant lui. Clément se mit à rire. « Mes compliments, » dit le marquis. « Je ne connais pas de femme qui aurait sauté cette barrière. J'en ai fait bien d'autres. » Mais tout de suite, se reprenant comme s'il avait peur d'en avoir trop dit, « Mon mari était un joli casse-cou, et j'ai dû passer partout avec lui. » Ils étaient arrivés dans un bois de sapins où le chemin était feutré de petites aiguilles rousses. Nul mouvement, nul vie dans ce bois. Un silence lourd, troublé seulement par le vent, qui en soufflant dans les branches, faisait entendre une plainte douce et harmonieuse. « Voulez-vous que nous marchions un peu ?» demanda le marquis. Il lui tendit les bras pour l'aider à descendre le cheval. Elle se pencha sur lui et s'abandonna mollement à ses bras vigoureux. Il lui sembla que le marquis la serrait un peu plus fort et la gardait plus longtemps sur sa poitrine qu'il n'était strictement nécessaire. Mais elle ne laissa paraître ni surprise ni embarras. Pour le marquis, lorsqu'il l'eut déposé à terre, il parut assez mal à l'aise. Il respirait difficilement et ses yeux étaient troublés. Il se retourna pour attacher les chevaux. Pendant quelques instants, ils marchèrent côte à côte sans rien dire. Clémence, les yeux baissés, paraissait attentive seulement à ne pas accrocher sa robe, qu'elle portait cependant relevée par la queue. Ils étaient à ce moment sur l'un des plateaux les plus élevés de la forêt, et dans les éclaircies d'arbres, à travers les blocs de granit éboulés, on apercevait par-dessus les bois qui allaient en descendant doucement, la plaine couverte çà et là de maisons et de villages. si le soleil n'avait point frappé en plein sur eux, ils auraient eu une vue magnifique. Mais la pente légère de ce plateau était inclinée au midi, et la lumière les aveuglait. Ils s'arrêtèrent, et restant en face l'un de l'autre, ils se regardèrent sans parler. Le marquis paraissait de plus en plus troublé. Sa large poitrine se soulevait avec des mouvements rapides. On eût dit qu'il cherchait péniblement des paroles qui ne venaient pas à son appel. Quant à Clémence, immobile devant lui, souriant d'un sourire indéfinissable, elle semblait attendre. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, et ses prunelles s'agrandissaient et se rapetissaient en lançant des éclairs. Tout à coup, le marquis ferma les yeux. « Si nous remontions à cheval, » dit-il brusquement, « on étouffe ici. Un temps de galop nous fera du bien. » Ils retournèrent vers les chevaux sans échanger une parole, et il la remit en selle, l'ayant à peine touchée.